24. Science ouverte, science privée, l'impossible frontière. Lu par François Schnell. Science ouverte, science privée, l'impossible frontière. Le distinguo entre science ouverte et science privée reste bien souvent théorique. On le sait, le droit de la propriété intellectuelle vaut pour les inventions, pas pour les découvertes ni les idées pures. Mais en pratique, les deux domaines sont poreux. Les entreprises privées incitent leurs chercheurs à publier dans les revues scientifiques afin de capter certains bénéfices de notoriété. De même, un nombre croissant de travaux émanant de la recherche publique sont l'objet de brevets, l'objectif étant à terme de produire des revenus, voire d'inciter les entreprises à développer une découverte de chercheurs publics à travers une licence. Comme on l'a vu dans le cas des gènes qui a brouillé les critères historiques, la distinction entre découverte et invention est parfois difficile à établir, sinon infime, l'application étant parfois triviale. Dans le cas du laser, Charles Townes a d'ailleurs tout à la fois publié les résultats de ses recherches et breveté leurs premières applications à l'Université de Columbia. Si les fanatiques de l'efficacité marchande s'appuient sur le flou de la frontière entre invention et découverte, afin de pousser à toujours plus de sciences privées, il faut souligner l'impasse à laquelle mène leur croisade. Même aux États-Unis, où les universités sont incitées à breveter au maximum, les revenus tirés des licences ne comptent que pour 3,4% des budgets de recherche en 2001. Dans le même temps, le système académique de production des connaissances ouvertes a continué de faire la preuve de son efficacité.